Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur Radioactive, c'est votre soirée rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées qui commence, continue après Rock à la Casbah et la programmation de la radio avec Lost in Space et Lost in Space, son générique que vous avez entendu à l'instant. Et à tout seigneur, tout honneur, on attaque avec les Descendants qui chantent Descendants. Ça ne pouvait pas s'inventer. Allez, c'est parti, on est ensemble pour toute la soirée. Vérifier, c'est écrit sur le paquet. Vous avez par exemple Gamma, la lessive poids lourd pour laver les camions. We'll be right back. Calgon. Calgon, c'est la lessive qui lave l'eau avant de laver le linge. Pour le corps qui aurait des cons, il laverait le linge à l'eau sale. Voyez. Et puis vous avez bonus qui lave aussi propre à l'envers qu'à l'endroit. Parce qu'à l'endroit, si elle était con, elle avait le devant puis elle se barrait. C'est terminé, j'enzyme pour le tour. Les verts, il y a Becté derrière. C'est pas confondre avec Guinusque, hein. Ah ben c'est en paquet aussi, mais faut amener son cadeau, hein. So at the moment, the villains look like this. While Steed and Emma look like this. Got it? This is Steed, and this is Emma. And these are the villains. Yeah. Il a fallu attendre 6 longues années pour retrouver à nouveau réunis les deux compères Marc Sultan et Arish Ahmad Khan après un long break et des carrières solo. Et il faut bien reconnaître que l'attente en valait la peine pour ce nouvel album de King Khan and the Barbecue Show qui s'appelle Bad News Boys. Les deux vétérans de la scène garage s'en donnent à cœur joie et l'on retrouve les ingrédients bien connus. La batterie minimaliste et bricolée de Khan, les deux voix bien en place sur de jolies ritournelles très bien gaulées. La guitare est presque recap par moment, ce qui fait dresser les poils sur les bras, en procurant la même jubilation qu'un vieil album de Jonathan Richman quand il est d'une humeur très joyeuse. Leur déménagement de Montréal à Berlin ne semble pourtant pas avoir vraiment tempéré leurs ardeurs, et on retrouve même de bons accents doo-wop. La joie de vivre qui transpire à chaque instant dans cet album de 12 titres donne une belle patate et envie de sauter dans tous les sens, même à ceux qui n'ont pas de quoi payer leur loyer. Je ne sais pas si pour eux le fait de se retrouver ainsi est une thérapie ou un simple bonheur de partager ensemble à nouveau, mais on verrait presque les bananes sur leur visage pendant l'enregistrement. Une joie de vivre tirée de rayonnantes 50s américaines avec ce tempo parfait pour les balles de promo et le dépucelage sur les sièges arrière de la voiture des parents. Pure illumination rock'n'roll, cet album sera parfait pour tous les jours de pluie qui s'annoncent. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive, votre émission rock à l'instant, King Khan and the Barbecue Show, c'était Alone Again, on a fait même la chronique juste avant. On continue toujours en musique et en littérature avec des extraits de ce magnifique poète qui s'appelle Arthur Cravant, poète et boxeur, disparu au Mexique au début du siècle précédent, du 20e siècle. Quelqu'un très rigolo, on va le voir, on va le suivre chez Monsieur Gide. Mais avant, on aura les Dropkick Murphys qui vont nous chanter Mob Mentality. mafia, you've been raped, and it is what I like about you. You've got a lot of problems, and they are what I like about you. Sophia, you throw up to be Theon. Sophia, little fingers in your La bonne va me reprendre pour me conduire au rez-de-chaussée. Au moment d'entrer dans le salon, de turbulents roquets jetèrent quelques aboiements. Cela est-il manqué de distinction ? Mais M. Gilles allait venir. J'eus pourtant tout le loisir de regarder autour de moi. Des meubles modernes et peu heureux dans une pièce spacieuse, pas de tableaux, des murs nus, une simple attention ou une intention un peu simple. Et surtout, une minutie très protestante dans l'ordre et la propreté. J'eus même un instant une sueur assez désagréable à la pensée que j'avais peut-être saligoté les tapis. J'aurais probablement poussé la curiosité un peu plus loin, ou j'aurais même cédé à l'exquise tentation de mettre quelques menus bibelots dans ma poche, si j'avais pu me défendre de la sensation très nette que M. Gide se documentait par quelques petits trous secrets de la tapisserie. Si je m'abusais, je prie M. Gide de bien vouloir accepter les excuses publiques et immédiates que je dois à sa dignité. Revolution dope guns fucking the streets. Revolution dope guns fucking the streets. Take your time. Queens of Life. Enfin, l'homme parut. Ce qui me frappa le plus depuis cette minute, c'est qu'il ne m'offrit absolument rien, si ce n'est une chaise, alors que sur les 4 heures de l'après-midi, une tasse de thé, si l'on prise l'économie, ou mieux encore quelques liqueurs et le tabac d'Orient passent avec raison dans la société européenne pour donner cette disposition indispensable qui lui permet d'être parfois étourdissante.

Monsieur Gide, comment sais-je ? Je me suis permis de venir à vous et cependant, je crois devoir vous déclarer tout de go que je préfère de beaucoup, par exemple, la boxe à la littérature. La littérature est pourtant le seul point sur lequel nous puissions nous rencontrer, me répondit assez sèchement mon interlocuteur. Je pensais, ce grand vivant. Nous parlâmes donc littérature et comme il allait me poser cette question qui devait lui être particulièrement chère, qu'avez-vous lu de moi ? J'articulais sans sourciller, en logeant le plus de fidélité possible dans mon regard. J'ai peur de vous lire. J'imagine que Monsieur Gide dut singulièrement sourciller. Relax, don't want to push you down. Relax, won't be on my blacklist. Relax, take a long J'arrivais alors, petit à petit, à placer mes fameuses phrases que tout à l'heure je me récitais encore, pensant que le romancier me saurait gré de pouvoir après l'oncle utiliser le neveu. Je jetais d'abord négligemment. La Bible est le plus grand succès de librairie. Un moment plus tard, comme il montrait assez de bonté pour s'intéresser à mes parents, ma mère et moi, dis-je assez drôlement, nous ne sommes pas nés pour nous comprendre. We'll be right back. La littérature. Revenant sur le tapis, j'en profitais pour dire du mal d'au moins 200 auteurs vivants, des écrivains juifs et de Charles-Henri Hirsch en particulier, et d'ajouter « Heine est le Christ des écrivains juifs modernes ». Jetais de temps à autre de discrets malicieux coups d'œil à mon hôte qui me récompensait de rires étouffés, mais qui, je dois bien le dire, restait très loin derrière moi, se contentant, semblait-il, d'enregistrer parce qu'il n'avait probablement rien préparé. À un moment donné, interrompant une conversation philosophique, m'étudiant à rassembler un Bouddha qui aurait décelé une fois pour toutes pour 10 000 ans ses lèvres, la grande rigolade est dans l'absolu, murmurai-je. Sur le point de me retirer, d'un ton très fatigué et très vieux, je priais. « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» Apprenant qu'il était 6 h moins un quart, je me levais, serrais affectueusement la main de l'artiste et partais en emportant dans ma tête le portrait d'un de nos plus notoires contemporains, portrait que je vais bien resquisser ici, si mes chers lecteurs veulent bien m'accorder encore un instant leur bienveillante attention. Some friends not far from here. I know they want me out. They say it's cool that everything is clear. Don't be angry, don't be sad. You're still the best that I've ever had. When you miss it all, Monsieur Gide n'a pas l'air d'un enfant d'amour, ni d'un éléphant, ni de plusieurs hommes. Il a l'air d'un artiste, et je lui ferai ce seul compliment. Au reste désagréable que sa petite pluralité provient de ce fait qu'il pourrait très aisément être pris pour un cabotin. Son ossature n'a rien de remarquable. Ses mains sont celles d'un fainéant, très blanches, ma foi. Dans l'ensemble, c'est une toute petite nature. Monsieur Gide doit peser dans les 55 kilos et mesurer 1,65 m environ. Sa marche trahit un prosateur qui ne pourra jamais faire un vers. Avec ça, l'artiste montre un visage maladif, d'où se détachent vers les tempes de petites feuilles de peau plus grandes que des pellicules, inconvénient dont le peuple donne une explication en disant vulgairement de quelqu'un « il pèle ». Et pourtant, l'artiste n'a point les nobles ravages du prodigue qui dilapide et sa fortune et sa santé. Non, 100 fois non, l'artiste semble prouver au contraire qu'il se soigne méticuleusement, qu'il est hygiénique et qu'il s'éloigne d'un Verlaine qui portait sa syphilis comme une langueur. Et je crois, à moins d'un démenti de sa part, ne pas trop aventurer en affirmant qu'il ne fréquente ni les filles ni les mauvais lieux. Et c'est bien encore à ces signes que nous sommes heureux de constater, comme nous aurions eu souvent l'occasion de le faire, qu'il est prudent. Je ne vis Monsieur Gide qu'une fois dans la rue. Il sortait de chez moi. Il n'avait que quelques pas à faire avant de tourner la rue, de disparaître à mes yeux. Et je le vis s'arrêter devant un bouquiniste. Et pourtant, il y avait un magasin d'instruments chirurgicaux et une confiserie. Depuis, Monsieur Gide m'écrivit une fois et je ne le revis jamais. J'ai montré l'homme et maintenant, j'eus volontiers montré l'œuvre si sur un seul point, je n'eusse pas eu besoin de me redire. She changed her mind so that she could live. You can't disguise what we all kept here. The city fights in the country's gone. From the furthest wind into the center of your soul. Come inside, I can't keep you warm through the night. Grass. I saw her tits and her ass. I took photos of them as well. You should see them, they're really swell. Baby and me walking arm in arm. We make a lovely couple. People tell us so. I don't really know why. I hate her guts, but she's regular sex. The horse shed on Sunday. Man, it was horrible. But I was with my baby, so it was really nice. Nothing like the countryside with your baby on a farm. Nature. La vie n'est pas du tout ce que vous pouvez croire. Un ouvrage très simple où tout a son histoire. Elle est bien plus que sa mêlée et tout s'y voit, et le mal et le bien sujet des mêmes lois. Chaque heure a sa couleur qui pour jamais s'efface, sans plus que cet oiseau laisser d'elle une trace. Le souvenir en vain voudrait de ses couleurs réunir en un bouquet les diverses odeurs. Le souvenir ne peut que remuer des cendres, lorsque dans le passé il espère descendre. Ne pensez pas qu'un jour il vous sera permis de vous dire « Je suis de moi-même l'ami » et de faire avec vous la paix définitive, vous resterez livré à vos alternatives. Quand vous verrez demain, vous méconnaîtrez hier, vous vous renierez avant qu'il fasse clair. Les jours défunts tendront devers vous leurs images pour que vous y lisiez vos anciens outrages. Et ceux de l'avenir troubleront de leurs plaintes les beautés que pour vous le soir dolent a peintes. En voulant rassembler autour de vous, de votre cœur, les sentiments épars dans les prés du malheur, vous serez le berger sans son chien qui l'assiste. Vous ne saurez pas plus pourquoi vous êtes triste, que vous ne saurez l'heure où naquit votre ennui. Là de chercher le jour, vous goûterez la nuit, elle vous nourrira de ses vergers obscurs, les arbres de la nuit ont des conseils plus sûrs que l'arbre de la science où s'apprit le péché et que du seul maudit vous n'avez arraché. Spent a week drinking the sunlight of Winnetka, California, where they understand the weight of human hearts. See, sorrow gets too heavy and joy it tends to hold ya, the fear that it eventually departs. And the truth is I've been dreaming of some tired, tranquil place where the weather won't get trapped inside my bones. And if all these years of searching find one sympathetic face, then it's there I'll plant these seeds and make my home. I spent a day dreaming of dying in Mesa, Arizona, like all the green of life had turned to ash. And I felt I was on fire with the things I could have told you. I just assumed that you eventually would ask. And I wouldn't have to bring up my so badly broken heart. And all those months I just wanted to sleep. In the spring it did come slowly, I guess it did its part. My heart has thawed and continues to beat. Visited my brother on the outskirts of Olympia, where the forest and the water become one. And we talked about our childhood like a dream we were convinced of, the perfect peaceful street that we came from. And I know he heard me strumming all those sad and simple chords as I sat inside my room so long ago. And it hurts that he's still shaking from those secrets that were told. My car closed up too tight and the heart turned cold. And I went to San Diego in the birthplace of the summer and watched the ocean dance under the moon. And there was a girl I knew there, one more potential lover. I guess that something's gotta happen soon. Cause I know I can't keep living in this dead or dying dream. And as I walked along the beach and drank with her, I thought about my true love, the one I really need. With eyes that burn so bright, they make me pure. They make me pure, they make me pure. I long to be with you. They make me pure, they make me pure. I long to be with you. Sense of direction to carry you home. A drift of swans where two rivers meet. Fears leave your vision. Thank you. when the night steals fire. But the thief that hides inside you steals it all. Quand vous verrez pâlir vos plus pénibles peines, que vous respirerez de l'automne l'haleine, l'hiver viendra frapper de son puissant marteau vos précieux moments, les répandre en morceaux. Il vous faudra toujours vous lever de vos sièges, gagner d'autres chagrins, vous prendre à d'autres pièges. Les saisons tourneront dans leur cours embaumé, solaire ou dévasté, vous vous parfumerez. Alors passage tiède, vous ne saurez dire si vous avez souffert ou joui de sentir. Alors même que pour tout pour vous sera perdu, il vous faudra reprendre un voyage éperdu. Vous avez tout quitté mais restez éligible et solitairement sans plus rien qui ne brille. Il vous faut acquérir le pain quotidien d'une existence dont il ne vous faut plus rien. On vous fera du mal, vous voudrez vous défendre, car vous ne saurez pas que vous devez dépendre des autres qui de vous sont indignes autant que vous l'êtes de Dieu, et quand viendra le temps de déposer vos maux, vous serez insensible, car leur fardeau avait cessé d'être pénible. Yeah. drops from your eyes. I've done my best to make you smile. Now that I'm gone, you're begging me for mercy. Why you say now that I'm gone, you're begging me for mercy? Oh, oh, it happens to me every day. Oh, you always come when it's too late. You fell back, I kept on being by your side. Even when you let me down, yes, even when you let me down. Now that I'm gone, you're begging me for mercy. Why you say now that I'm gone, you're begging me for mercy? Oh, oh, it happens to me that. Que vous alliez par champ, par ville ou par les mers, vous garderez toujours des soucis les plus chers. Un grand soin, il vous faut songer à votre vie. Au lieu de la vivre ainsi qu'une partie où le meilleur joueur est celui qui s'oublie et cessant de se voir, voit ce qui le convie. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. Hand me my gun, let the bugle blow loud. I'm on my way with my head up proud. One objective I've got in view is to keep a hold of freedom for me and you. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. Ought to be plain as the nose on your face, there's room in this land for every race. Some folk think that freedom just ain't right. Those are the very people I want to fight. That's why I'm marching, yes, I'm marching, marching down freedom's road. Ain't nobody gonna stop me, nobody gonna keep me from marching down freedom's road. Now Hitler may rant, hero he too may rave, I'm going after freedom if it leads me to my grave. That's why I'm marching, yes I'm marching, I'm marching down freedom's road. United we stand, divided we fall, let's make this land safe for one and all. I've got a message and you know it's right. Black and white together unite and fight. That's why I'm marching, yes I'm marching, marching down freedom's road. Ain't no fascist gonna stop me, no Nazis gonna keep me from marching down freedom's road. Flipping my sign to be back and fight, walking away to come back alive. I miss the easiness in me, and I'm finding it hard to barely breathe. I long to strum a simple song that tracks me back to days of gone, when sisters and brothers and love was a thing to do. Pining in my for some piece of time, when the hands wind down and sit still, where all I knew can unfold and recline, washed over my mind. There will, I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul. I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. With my eyes closing face to the sun, and my back shielding the storm that's come, with my ears covered, I listen in to these words the light is whispering. It's time you turn the rigid wheel from what you say to how you feel. Slow down and lay the brakes on the too fast before this day becomes your last. Pining in my for some piece of time, when the hands wind down and sit still, where all I knew can unfold. Line, washed over my mind. There will, I know there will be, I know there will be, soul serenity, soul serenity. Oh, I wanna feel it. Oh, I wanna know it. I wanna be healed by it. I got to own it. Sign to be back and fight, walking away to come back alive. My sisters and brothers listening to these words, my journey's awful end. Pining in my for some piece of time, when the haze wind down and sit still, where all I knew can unfold and recline. Washed over my mind, there will. Washed over my mind, there will. I know there will be. I know there will be. Soul serenity. Soul serenity. I know there will be. I know there will be. Soul serenity. Soul. Soul serenity. Past. Tumbling through the crack in the window. Statue, darling, but my heart is done to stone.